Monsieur Jean est un artiste, il vit que pour la musique. C'est un très bon pianiste qui veut mettre en harmonique ses rêves mélomaniques en des thèmes erratiques, puis en toute symphonique, dans un rythme diabolique, rempli de sons fantastiques, aux accords parfois critiques, à vous rendre frénétique, comme une potion magique. Monsieur Jean est un artiste, il vit que pour la musique. C'est un homme fort sympathique, à l'allure dynamique, avec une tête bien faite, qui parfois lui fait pouet-pouette. Il a encore oublié la partition réclamée, me regarde éberlué de ses grands yeux étonnés, comme un martien débarqué la veille d'un 1er mai. Monsieur Jean est un artiste, il vit que pour la musique. Il arrive en retard, avec les yeux dans le brouillard, c'est qu'il a passé la nuit avec de très bons amis à jouer ses airs fameux, on crie un jour pour nous, tous ces très grands musiciens, à leur âme de poète, pour que nos cœurs restent en fête, même leur nom oublié. Monsieur Jean est un artiste, il vit que pour la musique. C'est aussi un trompettiste de très bonne qualité, et je suis émerveillé l'entendant parfois jouer une main sur un clavier. Ce pour bien s'accompagner, mariage si harmonieux d'un piano et d'une trompette. On dirait un homme orchestre, et moi je suis à la fête. Monsieur Jean est un artiste, il vit que pour la musique. Et lorsqu'il est un peu triste, que la vie lui fait vénique, en ce monde si cynique, pétri de démagogique, il a une recette magique pour fuir ses moments critiques. Et ça va bien loin d'ici, en charmante compagnie, avec une fée mirifique, on appelle